On voit plus Phil en ce moment, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Hola, ¿qué tal? Et Phil? On le voit plus. Ah, mais Phil, le dimanche, il s'occupe de sa petite femme, tu comprends? Teach me some words in Ça veut dire que je m'en occupe pas, moi. Voilà. Exactement ça. Ah oui, qui c'est qui s'en occupe pendant que toi tu le fais pas? Violon and Francis in French. Qual a cidade que vocês moram? Vocês são da mesma cidade? I have a cam too. Salute. Je suis On entend la basse là. Thank you. What's the name of this our band? What the name of this band? tá mantendo uma progressão. De composer, hein. Il n'y a pas assez de mesures. faire. ta batterie là? Sonne bien.